Sud ni au Mungere. Albert Ndouaïa sur la mise en onde. Bonjour à tous, merci de nous rester fidèles. Bienvenue à ce journal, la grande édition de ce mercredi dont voici les principaux titres. Un officier de police a tué et fusillé sa femme en zone Kanyosha au sud de la capitale Bujumbura dans la nuit de ce mardi à mercredi. L'auteur est dans les mains de la police. L'Assemblée nationale du Burundi s'inscrit en faux contre l'opinion selon laquelle le dossier de l'assassinat du président Ndadaye a été réouvert pour des mobiles politiques. Et les enfants albinos encore sur le banc de l'école devraient être soutenus selon le représentant légal de l'organisation des personnes de cette catégorie. Et les élèves albinos demandent des livres écrits en grand caractère. On reviendra également sur la série de la voirie Ben menacée par des nids de poules dans un reportage de notre consoeur Vestine Wutoyi. Voilà pour le sommaire. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. Louise Hagabimana, une femme âgée de 36 ans, a été tuée cette nuit de mardi à mercredi par son mari dans le quartier Kajiji en zone Ebene de Kanyosha. Les témoignages sur place parlent d'un malentendu entre cette femme et son époux et le présumé auteur du crime. Le major Prime Nduimana se trouve actuellement dans les mains de la police. C'est le point avec Gertrude Mawenaï. C'est la détresse et la désolation dans la famille de Madame Louise Hagabimana, une femme âgée de 36 ans qui serait tuée par son mari dans le quartier Kajiji en zone Kanyosha de la mairie de Bujumbura. Les témoignages sur place parlent que la cause de ce crime serait un malentendu entre la femme et son époux du fait que son mari voulait embaucher une jeune fille dans leur bistrot sans le consentement de son épouse. La sœur de la défunte rencontrée sur le lieu dit qu'elle n'a pas été étonnée après avoir appris cette mauvaise nouvelle du fait que l'officier Prime Nduimana avait même dit à son beau-père qu'il tuera sa fille et la lui amènera pour l'enterrer lui-même. Quand nous sommes arrivés à son domicile vers 11h de l'avant-midi de ce mercredi, le chef de quartier Kajiji avec la police était en train de dégager les objets que le présumé criminel utilisait dans sa fonction comme employé du ministère de la Sécurité publique. Nizeyimana Shadrack, il est le chef de quartier Kajiji. Ici, c'est chez le policier qui a tué sa femme. Nous sommes venus voir les effets militaires qu'il aurait laissés pour que ça ne contribue pas à la perturbation de la sécurité. Vous savez qu'il peut disposer des armes ou des uniformes de service ou tout autre objet de service. C'est ce que nous sommes venus chercher pour qu'il n'y ait pas des effets laissés à la maison qui pourrait servir à la perturbation de la sécurité. La police a pu récupérer les tenues de service ainsi que les bélets, les bottes et un pistolet et une grenade. C'est ça ce qu'ils ont trouvé. La défunte, Madame Louise Hagabimana, laisse derrière elle 6 enfants et la population de son quartier s'insurge contre l'assassinat des femmes par leurs époux, disant qu'il n'y a pas longtemps, une autre femme avait été laissée enfermée dans sa maison après avoir été tuée par son conjoint. Merci Gertrude Mawenayo. Et de la sécurité à la justice, la Chambre basse du Parlement burundais nie le caractère politique dans la réouverture du dossier de l'assassinat du président Melchior Ndadaye. Dans un communiqué sorti ce mercredi par le président de cette institution, Pascal Nyabendaye, lui parle le porte-parole, il se réfère au propos de Moussa Faki Mahamat, président de la commission de l'Union africaine en fin de la semaine dernière. Selon Alexis Badianda, les affaires judiciaires révèlent de la souveraineté du pays et rassurent que ce dossier ne portera point atteinte à la sûreté nationale. Je prie de suivre Alexis Badia, le porte-parole de l'Assemblée nationale du Burundi. Ayant eu connaissance par après de l'implication de certaines autres personnes dans cette affaire, le parquet général de la République vient d'ouvrir des enquêtes contre ces dernières et certaines d'entre elles sont actuellement en détention préventive. D'emblée, l'Assemblée nationale rejette les arguments avancés par le président de la Commission de l'Union africaine, M. Faki Mahamat Moussa, qui voit dans cette action normale de la justice burundaise un acte qui pourrait porter atteinte à l'unité nationale et entraverait les activités de la Commission Vérité-Réconciliation, CVR. Aucune situation actuelle n'empêcherait les institutions burundaises de fonctionner normalement. Pour l'Assemblée nationale du Burundi, la justice burundaise ne fait que poursuivre une action qu'elle a déjà débutée et la CVR n'a pas une mission d'empêcher les instances judiciaires, en l'occurrence la plus haute juridiction du pays, de clôturer les affaires pendantes devant elle. L'Assemblée nationale du Burundi, elle s'inscrit en faux contre les arguments avancés selon lesquels la procédure judiciaire engagée par le parquet général de la République du Burundi doit révéler d'une manipulation politique ou d'une manœuvre de diversion. Elle rejette catégoriquement l'idée selon laquelle l'action menée par la justice burundaise serait de nature à compliquer la recherche d'une solution consensuelle dans le cadre de dialogue inter-burundais qui touche d'ailleurs à s'en faire. C'était Alexis Badianda Himbazé, le porte-parole de l'Assemblée nationale du Burundi. Pour rappel, dans une déclaration sortie en fin de la semaine dernière, au lendemain de la sortie des 17 mandats internationaux, dont celui de l'ex-président du Burundi, Pierre Buruyoya, Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l'Union africaine, avait demandé aux auteurs concernés de s'abstenir de mesures judiciaires ou politiques de nature à compliquer la recherche d'une solution à la crise que traverse le Burundi. Et le procès d'un brigadier de la police soupçonné d'avoir assassiné une femme est retrouvé dans la rivière Gigi en province de Bururi a été entendu l'après-midi de ce mardi à Rumonge. Lors de cette audience publique, siégeant en matière criminelle du tribunal de grande instance de Bururi, la partie plaignante a requis la peine à perpétuité contre le brigadier Jean-Louis Bouquet, alias sénégalais, et une indemnité cumulé à plus de 130 millions de francs bou, l'accusant d'être l'auteur de ce meurtre, ce qu'a nié catégoriquement le prévenu. Et la directrice de la prison centrale de Gitega fait savoir que tout enfant âgé de 3 ans qui vivent avec leur mère en prison devrait quitter la prison et être récupéré par leur famille. C'est au moment où, dans cette prison, il y a un enfant de 7 ans vivant avec sa mère, avec deux autres enfants âgés de 4 ans. Cette prison de Gitega compte aujourd'hui 17 enfants de cette catégorie. Le point avec Gérard Nibigil. Madame Bukuru Aline, directrice de la prison centrale de Gitega, fait savoir que cette prison compte actuellement 17 enfants vivant avec leur mère détenue. Un parmi ces enfants est âgé de 7 ans et ne s'est pas encore rendu à l'école. Deux autres sont respectivement âgés de 4 ans et 5 ans. Bukuru Aline explique que certains de ces enfants sont nés là, leur maman et a été incarcérée étant enceinte, tandis que d'autres étaient au dos car leurs mères ont été emprisonnées. Elle souligne également qu'il est souhaitable qu'un enfant qui a atteint l'âge de 3 ans, vivant avec sa mère détenue, soit récupéré par la famille. Pour que cela soit possible, elle propose une forte sensibilisation des mères des enfants emprisonnés et des familles. De son côté, Sabima Lassazin, président et représentant légal de l'association Souci pour les enfants en prison, mentionne qu'un enfant qui dépasse l'âge de 3 ans vivant avec sa mère en prison adopte un comportement anormal. Ainsi, il demande à l'État de s'impliquer fortement dans ce dossier des enfants vivant avec leur mère emprisonnée et d'ajouter qu'au mois de juin 2018, 80 enfants de cette catégorie étaient recensés dans toutes les prisons du pays. Depuis Gitega, Jirani Bigila pour la radio Isanganiro. Captez Isanganiro, écoutez la différence. À 13h06 dans les studios de la radio Isanganiro, le journal se poursuit. Célébration ce mercredi dans la province de Makamba au sud du Burundi de la journée du contribuable. Une journée qui a été précédée par une foire organisée par l'Office burundais des recettes OBR dans cette même province. Dans son discours, le président de la République du Burundi appelle la population burundaise à contribuer. On y reviendra dans nos éditions de la soirée. Et une année après le lancement des centres d'enseignement des métiers en agri-élevage en province de Muyinga, les formateurs n'ont perçu aucun sou jusqu'ici. Certains d'entre eux conditionnent la reprise des formations par la régularisation des arriérés et le responsable de l'enseignement des métiers à Muyinga leur demande de patienter. Les rapports de prestations, dit-il, ont été acheminés à qui de droit. Les précisions avec Dieudonné Zeyman. C'est honteux d'être incapable de s'acheter un savon quand ta famille te prend pour un agent de l'État. Cette observation émane des formateurs dans des centres d'enseignement des métiers à Muyinga. Il y a une année, 4 centres ont été créés dans cette province en vue de former les jeunes en agri-élevage moderne. Durant toute cette période, seuls les directeurs ont été rémunérés. Le reste du personnel sont des formateurs avec un contrat particulier. Ils devraient être rémunérés en fonction des heures prestées. Nos supérieurs avaient promis de nous engager à temps plein. Aujourd'hui, l'année de formation a été bouclée. Ni les rémunérations, ni les contrats ne nous parviennent, regrettent les formateurs. À quand le déblocage de cette situation? Le pôle Ndaïzeye, chargé de l'enseignement des métiers à Muyinga, n'a pas de réponse claire. Il rassure tout de même ses formateurs. Les rapports de prestations ont été envoyés à la direction générale en charge de ce volet. Ces centres ont été créés pour former à métier les jeunes qui n'ont pas pu continuer les enseignements après avoir terminé la 9e année de l'école fondamentale. De Muyinga, Dieudonné Nzeyimana pour la radio Isanganiro. Merci Dieudonné de Muyinga. Nous nous rendons dans la province de Gitega, au centre du Burundi, en albinos sur le banc de l'école. Elle devrait être soutenue à tous les niveaux. En lui confectionnant également des livres écrits en grand caractère, car il a un problème de vision. Ceci a été dit par le représentant légal de l'Organisation des personnes albinos du Burundi, un des enseignants de ses enfants à l'école fondamentale de la fraternité de Gitega, a confirmé ce problème. Le point avec Arthur Kavabush. C'est dans une leçon de la 4e année à l'école fondamentale de la fraternité, Sizo, sous-quartier Nyabisindu de la commune et province Gitega. À cette école, il y étudie des albinos, un garçon qui est en 4e année et une fille qui est en 7e. Moïse Nguengurutse, représentant légal de l'organisation des personnes albinos au Burundi, dit que l'albinos doit être appuyé à plusieurs égards. Il indique que comme il ne voit pas très bien, il a besoin d'être soutenu par les parents, les enseignants ainsi que ses pères éducateurs. Ce représentant légal souligne que pour les aider à mieux suivre les cours, des chaises déplaçables en classe leur seront données afin qu'ils puissent bien lire tout ce qui est écrit au tableau noir. Moïse Nguengurutse demande à leurs bienfaiteurs ainsi qu'aux autres intervenants en matière d'éducation de confectionner des livres écrits avec de grands caractères depuis l'école primaire jusqu'à la fin des études. Un des enseignants de l'école fondamentale de la fraternité fait savoir que ses enfants albinos ont un problème de vision et doivent être placés devant tout près du tableau noir, mais aussi pour lire, il doit tenir le livre tout près des yeux. Sibomana Noera, qui étudie en 7e année, dit qu'elle doit toujours changer de place pour tout voir au tableau noir. Et pour bien étudier, elle demande à ce que les enseignants tirent attention à ces problèmes de vision. 76 enfants albinos choisis dans 6 provinces qui sont Gitega, Karusi, Changuzo, Ruyigi, Ngozi et Rutana ont reçu de la part de l'ambassade de France au Burundi le matériel scolaire et les uniformes. Toutefois, cette aide devrait être revue à la hausse car il y a plus de 200 enfants albinos dans le besoin. Depuis Gitega, Arthur Kavabushi pour la radio Isanganiro. Isanganiro. Et dans la suite de ce journal, des nids de poules se multiplient sur la route Bujumbura-Rumonge au niveau de la partie du sud de la capitale du Burundi, ce qui rend la circulation difficile. Le point avec Vestine Boutoy. Nous sommes sur la route nationale numéro 3, Bujumbura-Rumonge, dans sa partie délabrée. Traversant le pont Moura, c'est plus ou moins praticable, car dans cette partie, il n'y a pas de problème de circulation. Mais plus on avance vers le sud, plus on approche la partie la plus endommagée. Le premier nid de poules se situe tout près de l'école internationale, en face de l'hôpital Ekira. D'autres nids de poules en évolution se localise dans l'espace ne dépassant pas 20 mètres, se trouvant entre l'Université Lumière de Kinindo et la Banque de Crédit de Bujumbura, BCB. À ce niveau, On compte 4 nids de poules. Avançons à quelques mètres de plus, on est proche du petit séminaire Kanyosha. Donc, depuis son point de repère jusqu'à la station Kibenga, on énumère 13 nids de poules. Dépassant la rivière Kanyosha, allant vers la zone Kanyosha, la situation n'est plus la même. Là, on se heurte à beaucoup de difficultés car on commence la partie qui deviendrait impraticable bientôt si rien ne se fait jusqu'aujourd'hui. Exactement, la partie la plus menacée est celle se trouvant devant la station Kingstar où la plus grande partie de la route est couverte des nids de poules de grande surface. Étant à ce niveau, bonjour le chaos, car chaque conducteur cherche à tout prix à dépasser son maudit 33 sans se soucier du sens emprunté. Hors micro, certains conducteurs de vélo disent que souvent il y a des accidents à ce niveau car la route est trop étroite, on dirait un sentier, ce qui rend difficile la circulation dans cet endroit. Ces conducteurs de vélo demandent aux autorités habilitées de réhabiliter cette route afin de favoriser leur circulation. Les extrémités de cette route sont les parties les plus touchées. Merci Vestine Boutoye. L'Union des personnes handicapées du Burundi salue les avancées en matière de droits de personnes vivant avec handicap dans un atelier organisé ce mercredi. Cette organisation parle de la promulgation d'une loi pour la promotion de cette catégorie de personnes. Toutefois, la représentante légale de cette union, Adélaïde Deniguina, précise que les défis persistent encore et demande au gouvernement burundais de prendre en compte la dimension handicap pour les projets de développement. En matière des avancées déjà dans la promotion des droits des personnes handicapées, l'on peut citer l'éducation inclusive, même si c'est dans certaines écoles. Nous saluons chaleureusement cette action qui a été menée par le gouvernement. Il y a la ratification de la Convention relative des droits des personnes handicapées par notre gouvernement, ainsi que la mise en place de la loi portant promotion et protection des droits des personnes handicapées au Burundi. Avec nos partenaires potentiels, il y a des avancées en matière des droits des personnes handicapées. Là, je peux dire que ce sont les principales avancées que l'on pouvait citer en matière des droits de la personne handicapée. Et qu'en est-il pour le cas des défis qui persistent? Voir les défis en matière de l'emploi, en matière de l'éducation, en matière de la santé, les personnes handicapées ne sont pas prises en compte dans les constructions des infrastructures. Ce que nous demandons au gouvernement du Burundi, c'est la mise en œuvre effective de la loi. Parce que dans la loi qui a été promulguée, il y a beaucoup de matières, il y a beaucoup de choses à mettre en œuvre pour l'épanouissement de la personne handicapée. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Mais avant de vous quitter, je vous rappelle qu'un officier de police a tué et fusillé sa femme en zone Kanyosha, au sud de la capitale Bujumbura, à la nuit de ce mardi à mercredi. L'auteur est dans les mains de la police déjà. Et l'Assemblée nationale du Burundi s'inscrit en fond contre l'opinion selon laquelle le dossier de l'assassinat du président Melchior Ndadaye aurait été réouvert pour des mobiles politiques ou pour perturber le dialogue inter-burundi. Nous avons eu les détails avec le porte-parole de l'Assemblée nationale et les enfants albinos encore sur le banc de l'école et devraient être soutenus selon le représentant légal de l'organisation de ces personnes albinos. Et les élèves albinos demandent des livres écrits en grand caractère pour leur faciliter la lecture. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Placide Niyomungere.